Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles soifards résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ils se battent pour protéger la recette de la bubine locale, appellation d'origine contrôlée et survitaminée, qui leur procure la force de repousser les investisseurs romains. Vous êtes bien en 12 FPS et aujourd'hui, on va parler d'Astérix et le secret de la potion magique. Hé, hey, rapido ! Ouais, Rezmo ! T'entends ce rythme endiablé ? Ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation, animé par des animateurs. Comme vous l'avez sans doute remarqué, on a un nouveau générique. On remercie très fort l'ami Pao pour cette magnifique composition. Vous pourrez trouver ces informations dans la description sans doute. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'Astérix et le secret de la potion magique. Film d'animation en images de synthèse fabriqué au studio Micros Animation Paris. Sorti en 2018, réalisé par Louis Clichy, à qui on doit Le Domaine des Dieux, donc la première adaptation d'Astérix en images de synthèse, et Alexandre Astier, qu'on ne présente plus. Le film a été nommé pour le César du meilleur film d'animation, mais qu'il n'a pas remporté. Niveau doublage, on retrouve Christian Clavier et Guillaume Bria dans les rôles d'Astérix et Obélix, mais également Daniel Mesguich, Florence Foresti, Alex Lutz, Joël Sevilla, Franck Pithiot et de nombreux autres acteurs, notamment des acteurs de la série Kaamelott. Un sacré casting, les amis. Avec moi, autour de cette table pour parler du film, Robin, bonjour. Salut, salut. Ça va bien ? Ça va et toi ? T'as pris ta potion magique ? Non, j'ai pris du vitriol. Ah, ben c'est parfait, ça va marcher alors. Alors, avant qu'on commence cet épisode, on a quelques erratum des épisodes précédents. Mais attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Erratum sur l'épisode sur J'ai perdu mon corps, on avait dit qu'il y avait beaucoup de rotoscopie et pas de 3D. En fait, en vérifiant, il y a beaucoup de 3D qui a été faite dans Blender, logiciel de 3D libre et gratuit. Blender, mon amour. Blender, amour de ma vie. Épisode sur Marianne Max, erratum de Robin, on dit pas alcoolémie, on dit alcoolisme. Je le savais. Voilà. Comme diraient mes parents, c'était pour voir si vous allez le remarquer. Vous l'avez remarqué, ça, félicitations. C'est pour voir si vous avez suivi. Et enfin, dernier erratum sur le budget des films d'animation Hardman. On disait que ça coûtait pas très cher, ça coûte très très cher. Par exemple, Chicken Run, 45 millions de dollars US. Ah bah la pâte la modeler, c'est clair que c'est pas De la plaido. C'est pas de la plaido, exactement. Allez, on vous avait promis dans le dernier épisode un invité exceptionnel. Eh ben, on fait pas les choses à moitié à 12 FPS parce qu'on a deux invités et on a l'honneur de recevoir deux personnes qui ont travaillé sur le film en tant qu'animateur. Il s'agit de Ségolène. Bonjour Ségolène. Bonjour. Et de Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour les copains. Bonjour. Ça va bien. Vous êtes content d'être là? Ouais, oui, ça va. C'est cool. Est-ce que vous êtes bien à l'aise? Vous êtes pas crispé du tout, c'est bon? Non. Ok. Bon, alors, on est ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs exactement ou en quelques mots quel était votre rôle sur le film? Qui veut commencer? On a fait de l'animation. Voilà, merci, bonsoir. Voilà, super. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens que ça passe, c'est quoi le travail d'un animateur sur un long-métrage? Ouais, vous allez me rattraper au vol. Hein. Ouais, on va te rattraper, t'inquiète. En gros, donner vie aux personnages qu'on reçoit des autres départements, à savoir le décor et la création des personnages et la modélisation des personnages. Ok, oui, parce que l'animation de personnages en 3D, il faut un peu voir ça comme une marionnette. Robin, est-ce que tu veux nous expliquer vite fait ce que c'est, ce qu'on entend par film en image de synthèse? Un film en image de synthèse, c'est un film qui n'est pas fait avec des vraies images, puisque les images sont faites de synthèse. Merci Robin. Bravo. C'est un film qui n'est pas fait grâce à la chlorophylle, puisqu'il n'y a pas de photosynthèse. Voilà, c'est la fin de ce podcast, merci beaucoup. Non, je suis déjà fatigué. Bien sûr. Mais attends, il y a le mot photo, il y a synthèse, il y a un truc à faire avec. Je valide. Alors, le film en image de synthèse, c'est un film qui est fait en 3D, donc sur ordinateur, où donc on a différents départements qui travaillent, qui ont donc chacun un corps de métier. Et donc, on commence par la modélisation, donc on commence par un dessin en 2D. Et de ce dessin, on va le passer en 3D grâce à la modélisation. Voilà, c'est ce qu'on entend par 3D, c'est pas la 3D stéréoscopique que vous avez avec les lunettes au cinéma, c'est ce qu'on entend nous quand on parle de 3D. Donc on va prendre des primitifs comme des cubes ou des sphères qu'on va sculpter. T'es pas obligé d'expliquer comment on modélise un perso non plus. Non mais je voilà. De ces primitifs, on va créer un personnage en 3D qui va passer dans un département qui s'appelle le rigging, où donc là on va créer un squelette. Et donc nous, en tant qu'animateur, on va recevoir une marionnette 3D dans un logiciel bien connu de tout le monde, que tout le monde adore, qui s'appelle Maya, évidemment. Oui. Et donc, cette marionnette a des contrôleurs qu'on peut bouger dans le temps. et dans l'espace pour donner vie au personnage. C'est une excellente explication. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez rajouter un truc dedans, ouais, non, est-ce que toi qui bosses dedans ou vous qui bossez dedans, ça vous semble cohérent comme explication? Pour quelqu'un qui connaît pas. Je pense qu'on va pas définir ça en un seul épisode. On fera des épisodes plus détaillés là-dessus, mais le résumé de la photosynthèse est plus clair. Ouais, c'est clair. On va couper toute cette partie, on va rester là-dessus. Alors, comme on a des invités, c'est l'un de nos invités qui va résumer le film et comme ils veulent. Personne ne veut le faire, en fait. Ils vont tirer au dé. Donc, la personne qui fera le plus haut score gagne le droit de résumer le film. Ok. Et c'est un 8 pour Sacha et un 12 pour Ségolène. Félicitations. Allez, tu nous résumes le film rapidement. Alors, le film, en fait, ça commence tout simplement avec Panoramix qui est dans la forêt, qui cherche son guide comme d'habitude. Et en fait, c'est juste qu'il lui arrive un malheur. Il tombe et il se casse la patte. Et toute l'histoire, ça va être, en fait, justement, trouver un successeur par rapport à... pour Panoramix, parce qu'il va pas pouvoir être toujours là pour la potion magique, pour le village. Et du coup, ils vont partir à travers toute la Gaule pour essayer de trouver quelqu'un, et voilà, globalement, c'est ça. C'est un excellent résumé. C'est un très bon résumé. On précise que c'est une histoire originale, donc qui a été écrite par Astier, mais qui s'inspire quand même fortement donc, de l'œuvre d'Albert Uderzo et René Goscinny. Et les deux bandes dessinées là, qui ressortent, je crois que c'est La Serpe d'Or et Le Tour de Gaulle pour moi. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce côté, on fait le tour, machin et tout. Mais c'est quand même assez librement inspiré, il y a vraiment des idées... Enfin, c'est vraiment une histoire originale. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Sacha, je vais commencer par toi rapidement, ton avis. Qu'est-ce que t'as pensé? C'est dur de donner un avis quand on est biaisé parce qu'on a travaillé dessus. Parce que t'as travaillé dessus, c'est vraiment pas facile. J'espérais beaucoup travailler dessus, mais je dirais que c'est quand même un bon divertissement. Qui amène des idées intéressantes sans beaucoup les creuser, mais on passe un bon moment quand même. Ok, Robin, ton avis? Moi, j'ai passé un très bon moment et j'ai pas travaillé dessus. Du coup, t'es pas biaisé quoi. J'ai préféré celui-là au précédent. Je suis beaucoup plus amusé sur celui-là. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de liberté et de gags et tout ça qui était mieux géré et mieux contrôlé quoi. Ouais. Ok, Ségolène? Moi, j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que, un peu comme Sacha, c'est un peu difficile des fois d'avoir du recul parce que on a vu différentes versions en cours de route aussi des fois. Puis, t'as le ressenti aussi de toute la production des fois qui est là. Mais non, moi, je trouve qu'il est bien. Et justement, quand je l'ai revu là pour préparer un peu le post-catch, j'étais... Voilà. Pas facile à dire. Non, on va laisser tomber. J'étais contente de le revoir, en fait. Il fallait que je me concentre pour essayer de lui sûrement dire « Bon, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire et pas juste regarder le film. » Ouais, je suis d'accord avec vous que le fait de travailler sur un film et en fait juste le fait d'aller le voir au cinéma et de voir toute l'équipe dans la salle de cinéma sur le grand écran et de voir qu'on, malgré les efforts et les problèmes qu'on a eu, on a quand même réussi à donner naissance au film, ça fait quand même un plaisir en fait. Même si le film est pas t'es content de voir le produit fini sur lequel t'as un peu sué quoi. Même si le film a marqué personne et que les scénarios étaient pas très intéressants quoi, voilà, c'est juste à chaque fois il y a un affect que ça crée parce que tu travailles dessus quoi. Moi, puisque personne ne demande mon avis, j'ai trouvé que et c'était... Et toi, Jean, c'est quoi ton avis sur le film? Merci, Sacha. J'ai trouvé que et c'était... toi, Jean, c'est quoi ton avis sur le film? Le lèche-bord. Tu veux t'y mettre aussi, c'est bon? Non, ouais, je l'ai laissé faire. Ok. J'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation, comme le premier, comme le Domaine des Dieux, là. Ouais. On précise que c'est aussi le deuxième film en CGI. Donc, CGI, c'est l'acronyme anglais. Computer Generated Image. Parfait. Putain, voilà. Vache, avec un super faire, accent. Tu dois faire le doublage de Schwarzenegger, un truc comme ça. Parce que c'est beau. Mais tu m'as mis les poils. Cet accent m'a mis les poils. Alors, il devrait tout doubler pour la version. Et ouais, donc le premier, c'était Le Domaine des Dieux, donc, qui a été aussi réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Et en fait, j'ai trouvé qu'à tous les niveaux, le deuxième avait pris un niveau, mais de ouf, quoi. Les rendus sont beaucoup mieux, l'éclairage est beaucoup mieux, l'animation est beaucoup mieux. Le seul truc qui a pas trop changé, c'est les character design, donc ce qu'on expliquait dans l'épisode précédent, le character design, ce que c'est, donc le style des personnages, qui respecte vraiment le style des personnages de la BD. Mais après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le deuxième Astérix, le premier Astérix et Le Domaine des Dieux, c'était le tout premier film d'animation fait par Micros. Ouais. Donc, ils ont monté le pipeline pour faire un film d'animation en même temps qu'ils faisaient le film. Ah ouais, ils n'ont rien fait d'autre avant. Non, ils n'avaient fait aucun film, c'est le tout premier film de Micros. Et Le Petit Prince, c'était pas... C'est après, c'était avec l'aide de On Animation. Ouais, c'est avec l'aide de On et avec l'aide de... Non, oui, c'est tout. Le premier c'est qui a fait la stop-mo? sur le... Alors ça c'est un autre, c'est ouais, parce qu'on les avait, on les avait rencontrés, ouais, ouais, ils bossaient dans un magasin de chaussures désaffectées, c'était génial. Oui, c'est ça. C'est génial. Mais on en parlera. Et donc entre temps, Micros, ils ont fait Captain Underpants, Moon, Le Petit Prince, ouais. Stubby, Sherlock Gnomes, donc Sahara aussi. Sahara. Donc putain, ils ont enchaîné du film d'animation, ouais. Et ils ont pu éprouver leur pipeline et leurs outils pour réussir à aboutir à faire un film comme ça, quoi. Effectivement. Et je crois même que pour celui-là, ils sont entourés des... Corrige-moi si je me trompe, Ségolène, mais je crois qu'ils sont entourés des... Les directeurs des départements, c'était les mêmes sur Le Secret de la Potion Magique que sur... Pas tout à fait, non. Enfin, je crois que Louis Clichy a essayé de rassembler une équipe dans Micros, ouais, qui était globalement composée des gens du premier film. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question sur ça. Vous qui avez bossé sur le film, donc le rôle, par rapport au rôle de Louis Clichy et d'Alexandre Astier au niveau de la réalisation et de la supervision. Supervision ou supervisation? Supervision. Supervision. Supervision, je crois. Supervision d'animation. Supervisionnement, je pense. Supervision, le super-héros qui voit tout. Et parce que du coup, c'était quoi le rôle, par exemple, de Louis Clichy? Est-ce qu'il faisait plus superviseur d'anime ou est-ce qu'il était vraiment juste dans un rôle de directeur? Alors, il est réalisateur. Ouais. Et en fait, non, Astier, il s'occupait plutôt de tout ce qui était parti scénario, enregistrement des acteurs au niveau des voix, des dialogues aussi. Et Clichy, c'est vraiment, c'était toute la partie image. D'accord. Il s'est occupé de tout ça. Après, il ne s'est pas plus occupé de l'animation. Donc, que vous aviez un ou plusieurs superviseurs d'animation dessous. Ouais. Deux, d'accord. Okay. C'était Colin Weiss et Jérôme Charton. Ouais. D'accord, très bien. Bah, écoutez, voilà. C'est tout ce que je voulais savoir parce que je me posais la question. On va passer au plan ou à la séquence qui vous a marqué dans le film. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Et on va commencer avec Ségolène. Quel est le ou les plans d'ailleurs qui t'ont marqué ou les séquences qui t'ont marqué dans le film et tu peux nous dire pourquoi? Moi, alors la première qui m'a marqué, c'était la séquence d'apparition de Sulfurix. Sulfurix qui est le méchant. Ouais, voilà, c'est ça. Dans sa hutte, quand on a juste la petite lait qui apparaît et tout d'un coup. Et je sais que c'était une des premières séquences qu'avait animé un animateur qui s'appelle Salem. Et en fait, ce que je trouvais super bien dans cette séquence, c'est que vraiment on voyait très peu de choses du méchant. Et tout le plan, en fait, justement, où tu vois sa main qui passe le long de son, on va dire, plan de travail pour ramasser un gland à la fin, tu disais juste une main qui passe, mais je trouvais super bien animé et tout. Et le fait qu'il dise juste panoramique, et puis qu'il se mette à rire comme un démon à la fin, je sais pas, moi, c'est vraiment, je trouvais que ça installait vraiment bien le méchant et tout, et que... Bah, ça te donnait un peu Je suis assez d'accord avec toi. On en reparlera plus en détail après du méchant. Et il est très réussi. Du coup, c'était pas du tout un six-shot, ce plan de main. Un quoi? Ah non. C'était un... Et puis, explique ce que c'est un six-shot. Ouais, tu t'es mis dans la merde tout seul. Non. C'est qu'il faut savoir qu'en animation, il y a différentes qualités et difficultés de plan qu'on appelle des A, B, C shot. Et en anglais, A, B, C shot. Les six shots, c'est souvent des plans de main ou des plans de réaction. Qui sont en fait pas du tout faciles. Ils sont un peu plus abordables quand tu commences l'animation. C'est-à-dire qu'il y a moins de choses à gérer. Quand tu as deux persos qui doivent rentrer en contact, se toucher, parler, etc. Et gérer un milliard d'informations. Mais voilà, quand on commence, en général, en animation, on va animer des mains, on va animer des réactions, des gens qui se font appeler et qui se retournent, ou des réactions sur des visages, des choses comme ça. Quoi. Dans ce séquence, il me semble qu'à la fin, on voit l'ombre juste du méchant sur le petit sanglier. Ouais. Exactement. Alors ça, vous allez demander comment ça a été fait. Alors, de souvenir, c'est ils ont voulu l'animer en 2D, je crois. Ils ont animé l'ombre en 2D en fait de Sulfurix qui rigole. C'est vraiment pas fait en 3D plus et l'animateur 3D a contraint son anime à l'animation 2D alors. Non parce que il me semble que le dernier plan on le voit même pas lui, on voit juste son ombre. On voit juste le sanglier en fait, donc le plan à la fin dont on parle, c'est le petit sanglier, le bébé sanglier qui rigole et en fait via un jeu d'ombre, en fait le sanglier il a des cornes et en fait il y a juste les deux yeux au milieu de l'ombre avec les deux cornes du sanglier. Donc ils ont fait tout le timing de quand il rigole est parfaitement synchronisé avec l'ombre. Donc ils ont animé l'ombre en 2D, c'est ça? Ils ont animé l'ombre en 2D, ils l'ont animé après qu'ils ont animé le sanglier. En 3D en fait. D'accord. Oh, okay. Et bah, après je pense que comme d'habitude il y a dû y avoir un peu des allers-retours entre les deux pour justement tout bien caler. Mais de souvenir c'était la petite lait qui était animée en premier. Moi dans ce plan-là justement quand on introduit le méchant, moi la maison, la façon dont elle est, le bordel qu'il y a dans sa cahute et tout ça m'a beaucoup fait penser à la maison de Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Oh oui, c'est vrai. Il y a ce côté-là, mais il y a un côté que Disney avait Madame Mime, ils ont avec comment elle s'appelle dans Bernard et Bianca là, la méchante. Oh, j'ai plus aucune idée. Vous voyez pas? Je l'ai vu une fois. L'affreuse, là. Mais c'est, enfin, c'est le design du perso est très proche. Comment? Tu n'as pas vu Bernard et Bianca? T'as vu Merlin l'Enchanteur au moins? Non, rien du tout. Oh la vache. Oh. Attends, t'as pas vu Merlin l'Enchanteur de Disney? Ah, il est super bien. Tu rentres tout de suite chez toi, tu vas regarder ça. Allez. On enregistre demain, bisous. Mais ce qui est cool avec cette séquence, c'est qu'en très peu d'éléments et sans le dire, en fait, tu comprends tout de suite que le méchant, c'est un druide. Il y a les serpes, il y a le fait qu'ils comprennent le langage des sangliers. Tu comprends ses motivations aussi. Mais même, il y a les motivations, tu vois, le trophée de la serpe qui revient après. Exactement. Et sans rien dire, avec, en train de montrer très peu, t'as plein d'informations. Est-ce que ce serait pas un petit planté récolté, ça? Alors, des plantés récoltés, sachez que j'en ai noté deux gros dans le film. Ah, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, mon gars. Il y en a un paquet. Et ouais, mais alors on comprend tout de suite ses motivations. On comprend que Panoramix, c'est son rival. Qui est le méchant. Le combo, j'ai les cordes. L'ambiance, la forêt. De toute façon, Sulfurix, juste la sonorité, tu vois. Ouais, le nom. Oui, Sulfurix, puis la voix. Ils auraient pu l'appeler Daniel Mesguich, là. Le doublage. Non, mais sa voix est exceptionnelle. Alors après, je pense qu'ils ont rajouté une bonne compression dessus. Pour... Ouais, en même temps. En même temps, il a aussi une voix comme ça de base. Il a une voix vraiment ouf. Robin, quelle est la séquence ou le plan qui t'a marqué? Moi, une séquence qui m'a marqué, c'est la séquence où, en fait, ils ont déifié l'apparition du conseiller de César. Donc, en fait, l'apparition, séquence, elle commence par... Qui s'appelle le sénateur Tom Crooks. Tom Cruise. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors, en fait, Panoramix, il a traversé toute la Gaule à la recherche d'un druide sans trouver son bonheur. Et En gros, c'est un peu la Gaule a du talent. Un incroyable talent. Et en fait, du coup, à la fin, le dernier druide qui va voir, et ça m'a fait pleurer de rire, et attention blasphème. On peut aussi dire druide factor. Pardon. C'était la dernière. Je viens d'y penser. Et donc, le dernier druide qui va voir, il est bizarrement, et attention blasphème, très proche d'un ami qu'on connaît tous qui s'appelle Jésus. Il a la faculté incroyable de multiplier les petits pains. C'est vraiment mortel. Anecdote pour ce druide-là, au début, la musique témoin qui était associée à ce truc-là, c'était la musique des Chevaliers de l'Arche Perdue de Indiana Jones et la découverte. Yes, trop bien. Ça marchait super bien. Et quand ils ont eu la vraie musique, on était tous en mode... Ah, c'était un peu déçu. On prend les droits, mais ça marche vachement bien. Est-ce que tu peux définir ce qu'est une musique témoin? Et bah du coup, en attendant d'avoir les musiques définitives qui sont écrites, composées, enregistrées pour les films, les réalisateurs et toutes les équipes de création du film se mettent d'accord, ils choisissent des musiques dans des films qui amènent les émotions qu'ils aimeraient avoir ensuite dans la composition finale pour donner une idée de quel sera le thème de la musique, le thème émotionnel. Mais c'est rarement des bonnes musiques, hein. Là c'est quand même assez exceptionnel. Non, bah si, par exemple, on a eu des moments nous où il y avait des musiques, par exemple pour le film sur lequel on a bossé, où il y avait des musiques de dragons. Ah ouais. Ouais, juste histoire de dire, là j'aimerais bien ce genre de musique, émotion. Mais tu vois, ça dépend des réalisateurs, hein, parce que des fois... Et donc, à la fin de cette petite rencontre avec notre ami Jésus, il y a toute une mise en scène où en fait on a des percées à travers les nuages de soleil qui dévoilent en fait tout en haut d'une colline quelqu'un qui parle avec une voix dans un écho et qui lui dit « Panoramix, ce n'est pas le dernier, il y a encore un et dernier druide que tu dois voir qui s'appelle Téléphérix et qui se cache dans la montagne ». Et en fait, il y a toute donc une chorale derrière en fait avec des voix et tout ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il casse entre guillemets le quatrième mur où en fait il casse la magie et on voit en fait les coulisses fait. Mais dans le film, où on voit en fait Sulfurix en train de gérer une chorale de Romains habillés en centurion en train de chanter et des Romains en train de balancer des colombes et puis le gars qui est en train de parler qui fait les gars, doucement sur les piafs là parce que moi je suis allergique. Et qu'est-ce que ça m'a fait rire. Et en fait, ça, c'était vraiment genre génial de voir ce truc-là. Tu fais, bon, on les connaît ces persos parce qu'ils ont été présentés juste avant. Et en fait, là, ils mettent cette mise en scène ridicule et en plus, ils rajoutent le côté on monte les coulisses. Moi, ça m'a extrêmement fait rire. C'était très bien écrit, très bien amené. Et voilà. Donc, voilà, cette séquence m'a beaucoup plu. Mais écoutez, on va même vous en faire écouter un extrait. Écoute, ô voyageur, écoute, ô marchand ambulant, écoute mon message, ô voyageur ou autre frelon, si tu es voyageur ou maintenant discute. Arrête de dire n'importe quoi, il faut qu'ils te croient. Mais je suis sénateur, moi. Improviser des prophéties sur une colline, c'est pas tellement ma branche. On s'en fiche de ta branche. Sois crédible ou tu vas tout faire rater. Écoute-moi, voyageur exalté. Écoute les paroles d'un jeune prophète victime de son succès. Freinez un peu sur les piafs, là, parce que là... C'est... Que nous disent les dieux? Quoi? Que dites-vous? Une fuite de l'ouvreuse persiste à la campagne? Ah non, pardonnez-moi, j'entends mal. J'ai certainement une otite flictinulaire à gauche. Comment? Un druide valeureux réside dans ces montagnes? Dieu, que nous racontez-vous là? Un jeune druide au talent sans égal? Là-haut, vers les sommets? J'en sais assez. Oh Dieu, laissez-moi magiquement disparaître. Ségolène, tu voulais ajouter un truc sur ce que Robin vient de dire? Ouais, en fait, dans cette séquence, ce que voulaient montrer Astier et Clichy, c'est qu'en fait, Sulfurix commence à essayer de faire des choses dont il n'a pas l'habitude, et du coup, que ça part un peu en vrille, et justement, c'est là où on voit qu'il n'arrive pas à gérer Tom Cruise, qui dit un peu n'importe quoi, et tout ça. Et bon, moi, je trouvais que ça se voyait pas forcément beaucoup, en fait, l'évolution de Sulfurix, qui commence à faire des choses un peu n'importe comment, jusqu'à la fin, à devenir un peu taré. Mais voilà. Mais c'est le moment où il perd le contrôle, ouais. Il commence à perdre un petit peu le contrôle avec cette séquence, mais je trouvais que c'était méga visible. Ouais, voilà, c'est pas maintenant, c'est pas à ce moment-là qu'il perd le contrôle. C'est pas le point de rupture qu'on voit vraiment, mais on en voit un peu plus tard, ouais. Moi, les séquences qui m'a marqué, justement, je vais parler de ça, il y en a deux, et notamment, en fait, il y a cette séquence où vraiment on le voit perdre le contrôle, c'est quand il fout le feu à la forêt des Carnutes. Et là, il commence à se transformer en espèce de pyromane fou. Parce que c'est un druide, donc, qui maîtrise un peu le feu tout le long du film. Et là, il perd le contrôle, en fait. Il perd même le contrôle de son propre pouvoir. Et quand il fout le feu à la forêt des Carnutes, qu'il est censé avoir gagné, en fait. Parce que c'était le deal avec les Romains, c'est qu'il gagne la forêt et tout. Et en fait, il fout le feu. Et il devrait être horrifié. Et en fait, il est trop content. Et il devient complètement extatique, il rigole et il devient taré, mais complètement taré. Et c'est là là où le personnage part dans la folie, en fait. C'est d'ailleurs là où il perd son espèce de fourrure. Oui. Et tout le long du film, il a une espèce de grosse fourrure, donc il est assez mastoc. Et en fait, après, il l'enlève, on voit qu'il est tout maigre, décharné. Il est rachétique. Et ça le rend encore plus fou, en fait, son apparence et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment ça. Et la deuxième qui m'a vraiment marqué, parce que j'en ai fait deux rapidement, c'est quand même les poules volantes. Qu'est-ce que j'ai rigolé à ce truc, c'est le meilleur gag. Donc ils sont, t'as le reste du village qui sont dans la forêt et c'est le village des Gaulois, ils se battent évidemment et ils perdent en fait la dernière gourde de potion magique qui leur restait, elle tombe, elle se vide au sol. Du coup ils sont là, mais merde, comment on va rentrer au village, comment on va aller sauver le village? Et en fait il y a des poules qui picorent le sol, qui boivent la potion magique et on les voit pas, elles sont hors champ et on entend juste le bruit de... Si, on les voit. On les voit se transformer. On les voit se jeter sur la potion. On les voit se jeter sur la potion magique, mais après on voit hors champ, ça coupe et on entend des espèces de FX, des effets sonores de comme quoi les poules sont devenues surhumaines, en fait. Enfin, sur pouliennes, voilà. Je crois même pas qu'on entend les FX. Je pense qu'on les voit. Ouais, on entend l'espèce de... Moi, il me semblait qu'on... Ah, c'est ça. Okay. Avec la lumière. Moi, il me semblait qu'on les voyait picorer, que ça coupait, et que quelques plans après, d'un coup, on entendait des bruits d'avion. On entend des bruits d'avion. Ils sont en formation en V, là. C'est génial. Et en fait, tu te dis, moi, dans mon souvenir du film, en le revoyant, je me rappelais qu'il y avait un truc avec les poules, et je me dis, ils vont être sur les poules et elles vont courir. Ou elles vont voler, mais ils vont être sur deux. Non, c'est encore mieux. Ils sont suspendus à leurs pattes. C'est génial. J'ai explosé. Et le poissonnier qui flotte toujours avec sa potion. Ah oui, le poissonnier qui flotte là. Oh là là, il est mortel. Et d'ailleurs, anecdote, j'ai regardé un petit peu des trucs pour le film. Et Carnutes, c'est ce qui a donné le nom à la région de Chartres. C'est pas vrai? Si. Yes. Ah, ok. Sacha, la séquence qui t'a marqué? Ouais, par contre, moi j'ai 3 tonnes de notes. Vas-y, envoie, on a le temps. Moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est la réunion dans la forêt des Carnutes, justement, la première réunion où Panoramix débarque au conseil des druides et dit qu'il va chercher un successeur et tout. Et celle aussi où on découvre pour la première fois Sulfurix en entier et qui parle. Et elle est super intéressante, pas au premier visionnage, mais après, parce que cette séquence, elle introduit énormément de choses qui légitiment le discours du méchant. Par exemple, les druides ont énormément de règles, pas le droit de présence de non-druides dans la forêt des Carnutes, pas le droit de femmes et tout ça, pas le droit d'écrire. Alors, pas le droit d'écrire, c'est véridique. Historiquement, oui. Les druides n'avaient pas le droit d'écrire parce que leur savoir était considéré comme trop sacré et ne devait se transmettre qu'oralement de bouche à oreille de druides. Ah bah c'est pour ça qu'on ne sait plus rien faire maintenant. Bah c'est pour ça qu'on a perdu le secret de la potion magique, Guy. Hein? Sûr, il y a eu un druide sourd à un moment. Il y avait les petites fiches. Eh, les petites fiches. Eh bah justement, les petites fiches, parce que tu dis que ça introduit pas mal de trucs pour la suite du film, les fiches, c'est un ressort scénaristique hyper habile, c'est simple. Planté et récolté. Voilà. Impeccable. Depeccable. Ils font des fiches avec tous les aspirants druides, les mauvais, les machins, les trucs, et en fait, elles sont toutes mélangées. Sulfurix les mélange toutes. Sulfurix les mélange toutes. Et du coup, ils savent plus quels sont les bons druides des mauvais druides. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire tout le tour de Gaulle et d'aller voir tous les aspirants druides. Et surtout les plus mauvais. Parce qu'il y en a. Ouais. C'est des cas. Mais alors. Des pépites. Ah ouais, c'est mortel. Donc c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils respectent pas leurs propres règles. Et ça légitime complètement tout le discours après de Sulfurix, qui est en colère contre les druides, qui l'ont toujours limité et ils lui ont cassé les couilles, alors qu'en fait, leurs règles, ils les appliquent même pas. Il y a une super DA, la direction artistique, le lieu est cool, la lumière est super. L'éclairage est vraiment superbe, il y a vraiment ce contraste entre tout le côté nuit bleue, presque nuit américaine, dans la forêt, et Sulfurix qui arrive et qui avec les effets de feu orange et tout. Qu'est-ce qu'une nuit américaine? Qu'est-ce qu'une nuit américaine? Une nuit américaine, c'est un procédé qu'on utilisait dans les vieux films où on pouvait pas filmer de nuit parce que les caméras avaient des capteurs sensibles, pas assez sensibles, les capteurs pas assez de f-stop. en gros, il captait pas assez de lumière et du coup, en fait, pour simuler la nuit, on mettait un filtre bleu devant la caméra. Alors, je n'ai pas cette définition de la nuit américaine. Bah, comment tu fais une nuit américaine? Tu filmes deux jours et en post-production, tu rends ça de nuit. Pas de post-production à l'époque, cousin. Filtre bleu. Il mettait un filtre. D'accord. Voilà. Moi, je connais que After Effects. Mais c'est vraiment pour des vieux films. Alors maintenant, on peut le faire parce que c'est un effet qui est connu. Mais tu fais ça en fait avec un filtre bleu. Et ça donne une espèce d'effet de fausse nuit, donc c'est des trucs que vous avez dans les premiers films américains en couleur, en fait. Si vous voulez voir des très mauvaises nuits américaines, je vous conseille vraiment d'aller regarder Les Visiteurs 3. Ouais, voilà, par exemple. Si vous voulez voir une excellente nuit américaine, OSS 117, le premier. Exactement. Qui est utilisé de façon très humoristique. Oui. Voilà. Et t'as des trucs à ajouter encore sur cette séquence? Oui, rapidement. Vas-y. C'est la première fois qu'on voit l'utilisation de la potion magique. Enfin, les effets en plein cadre, je crois. Quand le sanglier bouffe la gorge. C'est vrai. Très bien, je ne me souviens plus du film. C'est la première fois qu'on voit Astérix prendre de la potion magique dans le film. Et c'est la première fois qu'on voit la relation entre Sulfurix et Panoramix en vrai quand ils se voient et qu'on comprend la relation qu'ils ont tous les deux. Lui, hyper jaloux, aigri. Et bah, en fait, c'est un super méchant. C'est là qu'il y a la séquence, la séquence en 2D, là. Ouais, la première séquence en 2D. Le flashback, c'est plus tard. Le flashback. Le flashback, c'est quand Sulfurix, il le raconte à Téléphérix. Non. C'est le druide qui veut dire avec des effets de voix et tout ça, qui raconte ce qui se passe. C'est ça, c'est vrai qu'ils ont tiré une petite blague. Mais alors, il y en a pas une. Il y a peut-être une deuxième. Il y a une deuxième autre séquence de l'est, c'est quand ils font le dos de la gueule. Ouais. Mais moi, dans ce truc-là, quand on arrive dans la forêt des Carnutes où il y a tout le meeting, le rendez-vous de tous les druides, je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait un peu déconnecté, et ça, c'est un truc sur les rendus. Alors, les rendus sont vraiment bien améliorés, et ils sont, par rapport au domaine des dieux, je trouve qu'il y a des meilleurs rendus. Et c'est moins. C'est quoi les rendus? Ah, voilà. Les rendus sont moins plats et tout ça. Je trouvais que dans le domaine des dieux, c'était très plat, et en même temps, c'était aussi pour correspondre vachement à la BD qui était 2D à la place. Et Sacha, puisque tu l'ouvres, les rendus. Définition. Ah non, c'est pas cool, ça. tu l'as ouvert, tu l'as ouvert, je suis même pas sûr d'être capable de le définir. Rendus, c'est tous les paramétrages informatiques liés au calcul final de l'image. Plus simple, compliqué là. Là, tu te fais chier pour rien. Les rendus. Allez-y. Les rendus, c'est la dernière passe. Une des dernières passes en fait qu'on dernière étape qu'on fait sur les images en fait donc une fois que l'animation est terminée et que les personnages sont en mouvement on va passer ça dans les ordinateurs, des gros calculateurs en fait, et on va faire tous les effets de lumière, tout ce qui est couleur, texture, tout ça va être c'est pour ça qu'on appelle ça un rendu, ça va être rendu avec la lumière, donc toute la lumière qui remonte sur les choses, les réflexions, après cheveux, la fumée, poils, donc voilà. Verts, et donc en gros, c'est on va obtenir après cette étape l'image quasiment finale où il y aura une dernière ou plusieurs dernières étapes dessus de ce qu'on appelle le compositing. Donc pour mettre les différentes choses ensemble, par exemple si on a de la fumée en plus, si on a des effets en plus, si on a des corrections colorimétriques à faire, ça va se faire juste après le rendu. Bah, le compositing, en fait, quand on fait un rendu, ce qu'on obtient à la fin d'un rendu, c'est qu'on sépare absolument tout, la couleur, des ombres, des réflexions. Et donc, on a ce qu'on appelle des passes de rendu. Tout est séparé. Et le compositing va permettre de tout recomposer ensemble avec en ajustant les nuances. C'est comme un mixage, mais pour de l'image. En voilà. Ouais, en ajustant les contrastes, en ajustant, en augmentant peut-être l'ombre, en augmentant les couleurs, en augmentant ce genre de choses. Donc, du coup, dans les rendus, il y a une énorme, un énorme feeling ressenti de peinture, en fait, dans ce film. Ouais. Et en fait, quand on arrive dans la forêt des Carnutes, le premier plan où on voit un peu tous les cailloux, là où ils vont s'asseoir, qui servent de table et tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était trop painting, trop en fait, trop rendu peinture. Je me pose une question, il y a des décors qui sont peints, enfin, qui sont des dessins dans le film. Il y a du matte painting. Ouais, il y en a beaucoup du matte painting. Mais là, pas dans cette séquence. Non, il y en a beaucoup pour les grands environnements. Mmh. Ouais, les gros. Donc, le matte painting, c'est. Ça permet de sauver beaucoup d'argent. Ça permet de. Effectivement. Donc, on prend des gens qui sont très talentueux et qui dessinent très bien. Et on leur fait dessiner, en fait, des environnements qui vont être majoritairement fixes. En 2D. En 2D, donc en peinture digitale. Et qu'on met dans le fond, par exemple, s'il y a un fond dans le film, je crois qu'il y a pas mal de fonds avec des montagnes, bah ça, c'est du matte painting. Au lieu de rendre, justement, et de prendre du temps de calcul et beaucoup de ressources informatiques pour faire des montagnes en 3D, etc., on le fait une image, ou peut-être deux images pour avoir un effet de perspective et de parallaxe. Et ça permet d'économiser du temps et de l'argent. Bah après, ils n'ont pas fait que les montagnes, ils ont fait aussi tout ce qui était forêt et tout ça, comme ça. Et, mais il y avait... Ouais, il y en avait beaucoup dedans. Moi, je sais qu'à la fin, il y a pas mal de monde, même à Micros Canada, qui ont aidé à en faire aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, ouais, voilà. Et alors, tu veux une anecdote sur cette séquence ? Ouais, vas-y. Ils avaient mis comme bruitage, quand les druides s'énervent, comme quoi on n'écrit pas, ils tapent du poing sur les tables en pierre. Et ils avaient mis un bruitage de taper sur une table en bois, en fait, au storyboard. Et on a animé les séquences et tout, on l'a montré au réel, et à un moment, quelqu'un a pointé du fait que c'était des tables en bois, et que si on tapait sur des tables en pierre, ça faisait pas ce bruit-là. Et Louis Cliché a dit « Oui, mais ça marche très bien. » On a laissé le bruitage en bois alors qu'il tape sur des énormes blocs de pierre. J'ai jamais fait gaffe. Mais en même temps, c'est vrai qu'on l'entendrait pas sinon. Parce que c'est logique, en fait. À part avoir des druides qui font « aïe ». Oui, voilà. Oui, mais ça, c'est vraiment, les bruitages diégétiques. Donc dans le film, on fait même pas attention. C'est comme dans « Retour vers le futur ». Quand il rencontre dans le tout premier, quand il revient dans le passé et qu'il rencontre son père pour la première fois dans le bar, il y a la caméra qui tourne, il revient, son père est plus là et on entend le dring-dring du vélo pour nous signaler. Mais en fait, juste nous, dans notre cerveau, ça fait OK, son père il est sur un vélo dehors. Ouais. Mais on l'entendrait jamais en vrai. Mais jamais il aurait klaxonné en fait, il n'y avait aucun intérêt pour qu'il klaxonne, c'est juste vraiment pour donner l'information au spectateur et rajouter une couche de lecture en plus. Quoi. Bah, de toute façon, il y a souvent plein de briques qui sont rajoutées juste pour faire comprendre un peu ce qui se passe dans l'image. Genre tous les moments où tu as des gens qui sortent leur épée de leur fourreau ou qui bougent leur épée en fait dans l'air, tu as des bruits de cliquettement alors que tu fais dans la réalité, ça n'existe pas. Ben c'est ça en fait. Il faut savoir que les bruitages dans le cinéma, c'est 50%, 50-50 avec l'image. Ouais. Mais donc en fait, les bruitages donnent autant d'informations que l'image. Et surtout, on exagère absolument tout. Comme en animation, on exagère absolument tous les mouvements pour que ça soit lisible et crédible en fait. Et compréhensible dès le premier visionnage, quoi. Tout à fait. Eh bien, si personne n'a rien d'autre à ajouter sur cette séquence. Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Oui. Quand Robin, tu disais que ça faisait un effet très peint et tout ça sur cette séquence. En fait, la différence qu'il y a entre le premier film et le deuxième film au niveau de tout ce qui est la couleur qu'il y a pour les objets et tout, dans le deuxième film, donc Astérix, c'est le secret de la potion magique, globalement, tous les décors, genre les pierres, les arbres et tout, c'est beaucoup plus un effet peint, plus doux, sans trop de détails, alors que si on regarde le premier, il y a énormément de détails, tu vois l'écorce, les différents trous qu'il peut y avoir dedans, alors que dans le premier... Au moment où Sulfurix pose sa main sur l'arbre après qu'il y ait eu la course-poursuite, tu vois bien que l'arbre, il est pratiquement complètement tout lisse. Et en fait, ils ont eu beaucoup se rapprocher de la BD dans le deuxième film en faisant ça, en adoucissant tous les détails qu'il pouvait y avoir sur les décors, sur les persos et tout. Moi, il y avait même certains détails. Un truc qui m'a vraiment choqué au niveau de la constance dans les caractères design, c'est que les visages, si on prend Sulfurix par exemple, mais ils n'ont pas fait beaucoup de plans avec ça, donc ils l'ont quand même bien caché durant tout le film. Mais si tu prends le visage de Sulfurix avec ses poils, sa cape là en poil, le rendu est super. De poils, mais vraiment, c'est vrai, un poil de vieil animal qui a été sous la pluie et tout ça. C'est dru en fait, c'est un poil dru. Et quand on, à un moment, il y a des plans où on voit leurs chaussures. Et les chaussures, en fait, c'est juste deux grosses sphères là. Il n'y a vraiment pas de détails là-dessus. Ouais, elles sont hyper lisses. En fait, c'est tout est énormément lissé. Ils ont beaucoup enlevé l'effet de matière, en fait. Ouais, mais du coup, il y a vraiment comparé au reste du corps, les chaussures, ça vraiment te sort du truc. Tu fais quand même un manque de détails, vraiment. Bah, si tu regardes les vêtements en règle générale, c'est tout. Bah, c'est vrai qu'à part la cape de Sulfurix, mais du coup, ça le fait ressortir encore plus, en fait. Ouais. Donc ça marche pas mal, mine de rien. Et ben on va pouvoir passer après cette séquence de druide. C'est bon, on a tout dit. Impeccable. Depeccable. Et ben on va pouvoir passer au point spécial abordé juste après un petit extrait. J'aurais besoin que vous m'aidiez à présélectionner mes candidats. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? En tête, je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? Des petites fiches classées par niveau. Ils ont le droit d'écrire, les druides? Ah non, mon petit gars, interdit! De bouche de druide à oreille de druide, bien sûr! Attention! Panoramix, t'as bien appris la leçon. Ça, c'est bien. Bravo! Pas d'écriture chez les druides. Tout dans la tête. Après, avec toutes les formules qu'on se retient, la tête, elle est sacrément farcie. On va pas se mentir, la liste des jeunes druides gaulois, on se fait des petites fiches. Hop, pas vu, pas pris. De la petite fichette maison. Impeccable, depeccable. Ni vu ni connu, bon parvu. Allez les chercher, les gars. Et aujourd'hui, c'est Robin et Sacha qui ont préparé un exposé spécial. Et on va commencer avec Robin qui va nous parler de... Le Switch 2D-3D. Switch 2D-3D, ça c'est trop bien, on dirait un truc hautement technologique. Alors que pas du tout. Alors que pas non, du tout. Donc le Switch, comment on dit en français, le changement, la transition de la 2D à la 3D. Alors, pour rester fidèle à l'œuvre originale, j'ai mes petites notes. On va rester sur cette blague Les petites fiches. J'ai les petites fichettes maison. Pour rester fidèle à l'œuvre originale, ils ont intégré au film deux séquences d'animation 2D sur le passé de Panoramix et Sulfurix, et l'autre qui est quand ils traversent toute la Gaule. Déjà, c'est super intelligent parce qu'au niveau budget, c'est beaucoup plus rapide et ça coûte beaucoup moins cher que de le faire en 3D. Ça reste dans l'esprit de la BD et on s'éloigne pas trop de l'œuvre originale. Les deux 2D ne sont pas les mêmes 2D. Je m'explique. La première 2D qui évoque le passé entre Panoramix et Sulfurix est une animation traditionnelle, un peu comme le fait Glenn Keane, qui est un des plus grands animateurs 2D encore de ce monde. L'ancien animateur de Disney. Voilà, qui a été directeur d'animation de réponse. Voilà, et qui a bossé notamment comme animateur sur Tarzan, la petite sirène, qui a changé pas mal de trucs à Disney au début des années 2000. Je vous conseille d'aller voir un de ses derniers courts-métrages qui est dué sur YouTube. Voilà, par exemple. Ou le court-métrage qu'il a fait avec Kobe Bryant. Voilà. Glenn Key? Wow. Il a cherché pendant longtemps, là. Ah ouais, ça t'a trotté dans la tête pendant un moment, ça, non? Reprends, Robin. Oui, je vais reprendre, bien sûr. Enchaîner. Laisse-moi 5 minutes. Voilà. Et l'autre qui a un style un peu plus, je dirais, jeune au niveau du graphisme 2D. C'est un peu papier découpé. Donc ça, je pense que ça a été fait dans After Effects, tout simplement, avec des rigs 2D. Vous savez pas d'infos là-dessus? Vous avez des infos là-dessus? Non. Non, ok. Qui est-ce qui a animé la séquence 2D du passé, du flashback? Au crayon. En fait, ils étaient enfermés. Enfin, le gars-là, il était dans sa petite salle tranquille. Okay. On l'a pas vu la production. On savait qu'il faisait de la 2D, c'est tout. Et à un moment, il est arrivé, il a fait voilà ce que j'ai fait pour le film. À peu près ça, ouais. Bonne journée. À peu près ça, ouais. Tout à fait. Il y a que Clichy, c'était je crois, qui voyait ce qu'ils faisaient les autres. Un ami de Louis Clichy, je crois qu'il a travaillé sur le storyboard. Il est au générique du film. D'accord, ok. Et en fait, ça permet de garder un pied dans la BD et donc de rester proche donc du design 2D de la BD. Et en plus, ça fait référence à un album spécifique, puisque ça fait plutôt référence au Tour de Gaulle, cette séquence-là en particulier. C'est ça. Puisque je pense qu'il y a même des villes qui ont été prises du Tour de Gaulle et ça permet de faire un montage, une séquence montage en fait, qui en 3D aurait été un peu maladroite. Et le dernier truc que je voulais aborder avec ça, c'est ce dont on a parlé juste avant. En fait, ce qui a permis de garder aussi un pied dans la BD, c'est le travail sur les rendus dont on a parlé juste avant, avec le painting digital, donc les rendus un peu de style peinture dans Photoshop. Et surtout, et encore aussi un moyen très astucieux et très intelligent de gagner de l'argent, tous les FX du film sont faits en 2D. Donc, qu'est-ce que c'est les FX ? Les FX, en fait, c'est le nom qu'on donne aux effets comme la fumée, le feu, les explosions, l'eau. Il n'y a pas de fumée en 3D ? Non. Sûr, ah ouais, même et quand ils fait, se battent et tout là, non, et qu'ils cachent tout les trucs le village, avec les villages, les FX sont en 2D. Wow. En fait. Et en fait, donc en fait, okay. Les FX en 3D, c'est un truc qui est extrêmement long, extrêmement lourd à faire. Ça prend des heures de calcul et des heures de rendu parce qu'on faut calculer chaque particule et tout ça. Je vous renvoie vers la chaîne qui s'appelle Cinéma. Cinéma qui s'écrit S-C-I Néma. Et en fait, qui fait un épisode juste sur les simulations en fait d'eau, de fumée, d'explosion et tout ça dans les films, parce que ça prend des heures et ça coûte extrêmement cher de faire ça. Et en fait, l'intelligence qu'ils ont eue, c'est de le faire en 2D. Et ça s'intègre parfaitement au film, ça coûte pas cher, et je pense que ben, tu peux très vite faire un rendu ou une passe, le montrer au réalisateur, il fait « Ah, je voyais plus un truc comme ça », tu fais le changement, ça prend pas longtemps, et une fois qu'on a validé l'idée, eh ben, on y va, on fait le rendu final, et ça va super vite, en fait. Et même au compositing, ça va super vite à intégrer tout ça. Donc, je pense que tout ça combiné, c'est vraiment super astucieux, super intelligent, ça fait gagner beaucoup d'argent à la production, et c'est une manière de switcher, donc de transitionner entre la 2D et la 3D. Et pour ajouter un détail là-dessus, durant l'animation, on était hyper attentifs, et les superviseurs aussi, à garder le style dans les poses des personnages, le style des personnages, très inspiré de la bande dessinée. Je me souviens qu'on était très attentifs aux mains, avec les mains de... Je sais jamais qui dessine, si c'est Uderzo ou Goscinny. Uderzo. J'ai envie de dire Uderzo, mais alors... C'est Uderzo. Et Uderzo, il avait une manière de dessiner les mains qui était assez particulière, avec toujours les deux doigts du milieu qui étaient ensemble et le petit doigt et l'index qui étaient séparés. Et on essayait au maximum de respecter ça, plus toutes les formes des personnages en général. C'est sûr qu'on nous renvoyait souvent vers toutes les rêves 2D qui étaient sortis des BD quand on Ça se voit aussi pas mal dans le cinéma d'animation, parce qu'il y a pas mal de... Et des trucs qui se font assez peu au final dans les gros films comme ça d'animation en 3D. Il y a pas mal de poses fixes sur plein d'animations. Oh oui. Et, et c'est assez cool, en fait, ça marche bien. Ouais, mais en même temps, ça reste organique, en fait. Mais alors moi, j'ai une question. En parlant de l'animation, du rig et tout ça, moi, j'avais des questions là-dessus. Quand il y a le cycle de course d'Obélix au tout début du film, comment le rig, il était fait pour que ses jambes, elles fassent le truc circulaire comme en BD, en fait? Donc quand Obélix il court dans la BD, en fait on voit pas ses jambes, c'est juste un cercle qui va super vite, et ça a été entièrement produit en 3D. Du coup, est-ce qu'il y avait un rig pour ça? De souvenir, je crois que justement il y avait tu pouvais rajouter des pieds pour donner vous pouvez faire des multi-membres. Ouais, c'est trop bien. C'était un autre je sais pas si t'as fait des plans avec non moi j'ai pas fait Obélix qui court avec Obélix qui court. On avait un rig, un personnage, une version particulière d'Obélix dans lequel il avait pas les jambes, il avait juste ces deux cercles sur lesquels tu pouvais faire apparaître entre 1 et 8 pieds qui était déformable. C'est génial. Et que tu pouvais du coup faire tourner sans avoir à les bouger chacun les uns les autres. Donc dans chaque plan du film, à chaque fois, on ne voit pas le même Obélix selon ce qui doit être animé. Ok, d'accord. Ah. Et mon autre question, c'était, est-ce qu'il y avait un peu de triche au niveau des lip-sync? Puisque c'est que des barbus. Et donc du coup, au final, on pouvait juste faire un mouvement de haut et bas avec la mâchoire pour faire le truc. Panoramix, on les voit très rarement, il doit y avoir 3 ou 4 plans dans tout le film où on voit ses lèvres, mais le lip-sync à chaque fois en dessous était fait parfaitement nickel. C'était assez dur parce qu'en plus justement, il fallait réussir à donner bien l'effet qu'il parlait alors qu'on voyait pas du tout les lèvres. Et c'est vrai que pour le coup, la petite triche, c'est qu'on exagérait énormément au niveau des commissures pour pouvoir montrer. Parce qu'il fallait voir en fait sur les joues du coup. Ouais. C'est ça, parce que après, quand il parlait, les pommettes, en fait, elles font beaucoup de haut-bas très fort pour vraiment accentuer tout ça. Parce que moi aussi, j'avais animé un personnage dans un autre film avec une barbe et une moustache. Et en fait, c'était super dégoûtant parce que tu fais un lip-sync, donc une synchronisation labiale aux oignons. Et puis quand t'arrives au rendu, en fait, on voit rien. Il y a des poils partout et tout. Non, t'inquiète, on a essayé. On a essayé d'être un peu feignant, de se dire, ça se voit pas. Ouais, non, ils étaient pas dupes. Et en fait, on voit. Le seul où il y a eu ça, c'est le druide qui ressemble un peu à un Père Noël, en fait, qui a une barbe un peu en mode de nuage, quoi. Et lui, pour le coup, il avait pas du tout de bouche. C'est-à-dire que t'animais juste sa barbe, en fait, pour le faire parler. Ah, je savais pas du tout. J'ai pas eu à l'animer, mais je l'ai vu, et c'est vrai qu'il disait, là, il y a pas du tout de bouche. T'animais un peu les joues pour faire les commissures, et sinon, t'animais juste la barbe qui bougeait, Et encore une fois, sur les deux trucs d'animation, les deux derniers trucs que je voulais dire, c'était une standing ovation pour le poissonnier. Alphabétique, mortel. En fait, les dialogues et le running gag qu'ils ont fait tout au long du film, pour citer Astier, C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ouais. Alors, le doubleur du poissonnier, vous savez qui c'est ou pas? Je sais c'est plus. Un des membres des Deschiens. Il est hyper connu. Mais, Daniel Morin, je crois. Non, ouais. Si. Oui. C'est pas un des acteurs de Kaamelott aussi, ou je confonds avec... Non, c'est Abra Coursix, c'est Ghetto. Ouais. Oui. Non, c'est le chef du village, Ghetto. Oui, c'est ça, c'est Abra Coursix. Oui, c'est ça. Mais c'est automatique, c'est aussi un gars oui. de Kaamelott. Oui, il me semble. C'est Lionel Astier, le père de... Super. Oui. Et le dernier truc en animation, c'était tout bête, mais c'est à la fin, donc le village se fait assaillir par les Romains, puisqu'ils savent que tous les hommes du village sont partis du village. Du coup, il ne reste plus que les femmes. Et du coup, les Romains veulent épuiser les réserves de potions magiques. Il laisse, comment il s'appelle le barde j'ai oublié son nom. Assurance touriste. Alors, comme chef du village. C'est pas un homme, celui-là. Ça, le fait que tous les hommes soient partis, c'est inspiré de quel épisode, de quelle BD? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une BD où tous les hommes partent parce qu'ils se font chasser par les femmes, parce qu'il y a une femme qui descend de l'utesse. Et elle se rebelle contre les hommes. Ah oui. Et je me rappelle plus du nom de l'album. Ils n'en voient pas aussi une armée romaine qu'on fait que voilà, de femmes c'est ça. Et tout ça. C'est ça. Ouais, je me rappelle c'est plus. Pas mais la Traviata. Oui. Non, c'est pas la Traviata. C'est un truc avec des roses, non? Ouais. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus. Le nom de la rose. Exactement. C'est ça. Scénarisé par Umberto Eco. Et donc là, alors et aussi quand ils mettent le feu au village, les Romains, ils attaquent le village, et le village est en feu. C'est uniquement la deuxième fois dans toute l'histoire d'Astérix, dessin animé compris et film compris, que le village est en feu. La première fois, c'est dans le Fils d'Astérix, qui est un excellent album. Et je vous conseille, et qui est très dramatique à cause de ça. Et du coup, donc ils épuisent toutes les réserves de potions magiques jusqu'à ce que il n'y en ait plus. Et donc, il se retrouve dans la femme du chef du village se retrouve dans la réserve de potions magiques. Bonne mine. Avec Assurance Torex, et lui dit, y a pas un truc qui te dérange là? Ouais, c'est trop drôle. Je sais pas, j'avais foutu les pieds ici, vous m'avez jamais laissé rentrer. le tonneau, ils ont un tonneau avec une petite jauge, il y a un niveau, et il y a marqué, genre, un truc, un point rouge. C'est ça, mais en fait, ils ont laissé Assurance Torex comme chef du village, mais il a jamais réussi à prendre cette place, puisque les femmes l'ont fait, écoute Coco, t'es bien gentil. T'es mignon, retourne dans ta hutte, fais de la lyre, et voilà. Et en fait, au niveau de l'animation, là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, Bonne Mine doit remonter, en fait, sortir de la réserve, et donc, il y a une échelle. Et la façon dont ça a été animé, c'est super intelligent. En fait, c'est vraiment deux poses de chaque côté, donc avec un bras en l'air, une jambe en bas, et ainsi de suite. Et en fait, ils la font juste monter. Oui, parce qu'en plus, corrigez-moi si je me trompe, mais elle a assez peu de marge de manœuvre au niveau de ses jambes. Exactement. À cause de la forme des robes. Le mieux, c'est en fait quand tu vois qu'elle court là, pour aller voir les Romains. Là, tu vois que vraiment, il n'y a rien qui se passe au niveau des jambes. Tu as l'impression qu'ils font des petits pas. D'ailleurs, on ne voit pas leurs pieds, peut-être. Non. Ouais, non, c'est coupé. Tu vois rien, Et du coup, c'est ça qui est extrêmement astucieux, c'est qu'en fait, ils ont mis deux poses. Elle monte le long de l'échelle. L'échelle est très grande pour sa taille. Donc vraiment là, il y a vraiment le travail d'un animateur qui est, vu la taille de l'échelle et du personnage, c'est très astucieux, c'est drôle, c'est graphique, ça sert à l'histoire. Et en fait, c'est ça le boulot d'un animateur. Et du coup, et ça marche c'est très bien, proche et... de ce qu'ils ont, l'animation un peu du monde des Ralph. Oui, du monde des Ralph, des personnages en 2D. Des personnages en 2D, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. C'est très saccadé, c'est vraiment cette référence-là. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est ce qu'on disait sur ce côté, avoir des poses fixes et des clairs, en fait, qui du coup rappellent la BD. Ça fonctionne très bien parce que c'est des choses que tout le monde a vues, en fait, en lisant les BD. Et ça choque pas du tout. Non. Ouais. Ça marche très très bien. Eh bien, écoutez, si personne n'a rien à ajouter sur ce point-là, on va pouvoir passer au point de Sacha. Mais c'est qui ce sulfurix exactement? Ah, tu vois, je suis content que tu poses la question. Ça va me permettre de me lancer dans une histoire à rallonge avec des effets de voix et un ton mystérieux. Sulfurix et Panoramix étaient deux talentueux jeunes druides qui forçaient l'admiration de leur maître. Toujours ensemble, à travailler d'arrache-pied et à inventer des nouvelles techniques, on peut le dire, Sulfurix et Panoramix étaient deux petits génies. Et on peut le dire aussi, moi, j'étais un gros nul. Atmosphérix, faut pas dire ça. Tellement nul que j'ai failli me faire ficher à la porte au moins 4 fois. Enfin, bref. Au grand concours des druides, Sulfurix présenta sa poudre de flamme, qui impressionna le jury. Panoramix, lui, avait pris un risque. Il avait opté pour un sortilège simplement beau. Et par Belenos, beau, il l'était. Son sort était magnifique, inventif. Je vais pas mentir, j'ai merci la larmichette. Et prouvé une grande maîtrise du druidisme. Mais le jury, après une longue délibération, décida qu'on ne pouvait pas récompenser un sort qui n'avait aucune utilité pratique. « C'est joli, mais ça ne sert à rien », avait-il conclu. Et ils accordèrent le premier prix à Sulfurix. Cependant, Sulfurix n'eut pas la carrière qu'il aurait pu espérer. Son sort lui permit de se rendre utile ici et là, puis de moins en moins, et puis plus du tout. Tandis que de son côté, Panoramix devenait le plus célèbre et le plus respecté de tous les druides gaulois, grâce à sa potion magique qui donne une force surhumaine, Sulfurix sombra dans la misanthropie la plus complète, la pratique de certaines magies interdites, et disparut jusqu'à ce soir. Sacha, tu voulais nous parler du méchant. Oui, parce que j'aime bien les méchants, et celui-là, il est bien écrit, du coup. Donc, pareil, j'ai plein de points et 3000 notes. Alors. Fais-toi plaisir. Je l'aime bien, parce que. Et voilà, c'est tout. Merci, c'était Sacha. Bonne journée. Bye, excellente cool. journée. Voilà, hop, c'est bon. C'était 2 FPS, bonne journée. Et non, ce qui est cool, c'est que c'est un méchant aigri et jaloux, en fait. Et c'est hyper efficace, parce que plus tu rends les héros classe et victorieux, plus lui est aigri et jaloux et envieux. Et donc, plus il est méchant, et t'as qu'une envie, c'est de voir les héros victorieux. Donc, plus tu construis tes héros vers la victoire, plus tu rends ton méchant efficace. En plus, c'est un druide. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un des très rares druides, pour pas dire le seul méchant druide. Est-ce que c'est un druide ? C'est un druide. Ne bougez pas, je reviens. Allez, donnez une claque. Rassieds-toi. Pas de violence. Non, j'avoue que c'est des druides méchants. Il y a eu des faux druides, je crois, dans les albums, des romains qui essaient de se faire passer pour des druides. Alors, il y a eu des tarés aussi qui sont pris sur la gueule. Ouais, quoi. Dans le. Le coup du menhir, je crois, non ? Il y a le coup du menhir, il y a la serpe d'or, je ne sais pas si c'est une histoire de faux druide. Dans le film Astérix contre César, il y a un druide méchant. Ah bon ? Non, c'est le devin, pardon. Ah, c'est même pas un druide. Non, c'est pas un druide, justement. Ah, donc ouais, non, pas de druide méchant. D'ailleurs, en parlant du devin. Mais si, attends, c'est pas le druide qui fait l'omelette aux champignons ? Non, c'est un devin. Ah, c'est un devin. Il est tiré directement d'Astérix, c'est le devin, d'ailleurs. En parlant du devin, fun fact, au début, quand on est arrivé sur le film, on pensait tous que le méchant, c'était le devin, en fait. Qu'est-ce qu'un fun fact Parce que la peau de bête, le crâne. Oui, il est un peu inspiré, mais le personnage est écrit différemment. En fait, il n'a pas les mêmes motivations. Au niveau du design, il est beaucoup plus. Mais alors, justement, au niveau du design, moi, Sulfurix, il m'a extrêmement fait penser au méchant dans R, interprété par Alain Chabat. Il a un crâne sur la tête, il a une peau de bête, c'est exactement le même costume, en fait. Ouais, je sais pas si... Inspiration, peut-être. Ouais, peut-être. Oh, c'est très probable. Et pour revenir sur le point de rupture de Sulfurix, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un ennemi qui n'a pas de plan, qui improvise et qui fait avec ce qu'il a. À chaque fois, il tente des trucs, ça se passe plus ou moins bien et il arrive à avancer. Et ça le rend imprévisible, ça le rend puissant et intelligent, et ça fait un ennemi bien construit, en fait. Mais il a un côté Joker, un peu. Ouais, et un côté chute en avant, quoi. Je veux atteindre mon but, et à chaque fois, je sacrifie quelque chose, j'essaye quelque chose, et à chaque fois, ça se passe pas bien, et donc je réessaye jusqu'à la fin où ça part assez loin. Ouais, et exactement. Je crois que pour l'écriture, il s'était inspiré de Dracula. Je sais plus sur quel point, ni quoi, ni comment. Bah, lequel pas lu de Bram Stoker, le livre. Le personnage, ouais. Et je crois qu'ils sont inspirés de Dracula pour écrire le personnage de Sulfurix. Je sais pas du tout. Alors, je connais pas bien le personnage de Dracula, mais est-ce qu'il y a un côté vengeance, jalousie, etc. Non Bah, ça un peu. Ah oui, et du coup, il improvise, mais en plus, il est chanceux. Parce qu'à chaque fois, il tente des trucs, et à chaque fois, ça se passe quand même plus ou moins bien. Et il y a plein d'éléments du film, de tentatives, où c'est assez dur de dire si c'était prémédité, s'il a eu l'idée il y a 2 secondes, s'il avait planifié avant. Et j'aime bien parce que ça fait un anti-Tintin, qui est un personnage que je déteste de tout mon cœur, Tintin, qui est un gentil chanceux qui arrive parce qu'il a de la chance. Bah là, ça fait un méchant chanceux et ça fait du bien. Parce que, du coup c'est Milou, c'est le sanglier. Exact, la petite lait, oui. La petite lait, c'est Milou. Ouais. Et il s'appelle la petite lait. En fait, les bébés de sanglier, c'est des laits. Ouais, d'accord, mais je sais bien, mais la petite lait, c'est qui ? Bah, c'est comme ça que nous on l'appelait pendant tout le film. C'est comme ça qu'on l'appelait tous, ouais. La petite lait. Est-ce que les dents de lait, ça vient de là ou... J'en sais rien. Est-ce qu'on nous a menti toute notre enfance ? Ça n'a rien à voir avec le lait de la vache. En fait, c'est pas une souris, c'est une lait qui vient chercher nos dents. La vache. Putain, la vache. Oui, la vache. Moment réalisation. C'est moi 5 minutes pour cette information. C'est pas évident. Moi, je suis assez d'accord avec toi, le méchant, et c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce film, et en le revoyant. Parce que j'avais un très bon souvenir du film, en le revoyant, j'étais là, je me fais un peu chier jusqu'à ce que le méchant apparaisse. Et là, putain, le film. Il y a plein d'éléments qui partent quand il attrape la fiche de Téléphérix, du coup, au conseil, tu sais pas si c'est prévu ou pas. Quand la forêt des Carnutes prend feu. Déjà, il demande la forêt des Carnutes, tu sais pas pourquoi, parce qu'il déteste les druides, donc pourquoi prendre le truc des druides? En fait, il sait pas quoi en faire. Ouais, il demande Il saura pas quoi en faire, mais c'est justement, c'est, il déteste les druides, il veut leur enlever. Il veut leur priver ça, et en fait, quand ça brûle, c'est là où il réalise que c'est parfait pour lui. Ouais. Que ça détruit tout, en fait. Ça fait du chaos, en fait. Et c'est ça qu'il veut. Mais il a quand même un plan, puisque il y a encore un autre sort scénaristique que le planter récolté, que je vais appeler. Mais il y a un truc que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle. Ça me fait beaucoup penser au truc du cimetière de Little Angleton dans Harry Potter. Tu sais, quand, dans le 4, dans la coupe de feu, quand il revient avec Maugrey Folloy dans son bureau et qu'il lui fait comment c'était dans le cimetière. Mais je vous ai pas parlé du cimetière. Et en fait, tu comprends qu'il en sait plus qu'il en dit. Et c'est exactement ce qui se passe. Il fait, oui, attendez, je croyais que tu connaissais pas Panoramix. Ah oui. Et là, il fait, mais il y a personne mieux que moi qui connaît Panoramix, en fait. Oui. Et du coup, c'est là que tu comprends. Bah, nous, on le savait déjà parce que nous, on a un point de vue omniscient. Mais du point de vue de Téléphérix, c'est cacher quelque chose au personnage que tu as révélé à l'audience. Téléphérix, d'ailleurs, qui a un accent. Est-ce qu'on peut en finir là-dessus? Non. Il a pas d'accent, non. Si. Non, c'était un gros problème pendant cette production. Mais parce qu'il s'appelle Téléphérix. Oui. Il est en Savoie, du coup? Non, il est dans les monts de l'Est. Dans les montagnes de l'Est. Ouais, voilà, c'est la Suisse, Et pourquoi il a cet accent, alors? Ils ont demandé à Alex Luce de faire un accent, justement, qui vient de l'Est et tout, sauf qu'il arrivait pas trop à le faire. Il a fait un truc qui a plu à Astier, ils ont gardé ça. Mais du coup, comme c'était pas vraiment un accent qui venait d'un endroit particulier, ils ont dit les monts de l'Est. Oui, bon, c'est très bien de dire l'accent, hein, Robin. Ah, ben moi, écoutez, je travaille dessus depuis des années, hein. C'est difficile de pas faire sans l'accent, hein. Tu veux dire que tu travailles dessus pour le perdre, c'est ça, non? Ah non, moi, je suis né avec cet accent-là. Je le cache tous les jours. Ouais. C'est difficile, hein. Mais c'est marrant parce que du coup, Alex Lutz, il reprend un peu l'accent qu'il avait fait dans SS117-2, là. Ah oui! Ça me ressemble vraiment. Il y a un espèce de petit Roland d'accent allemand, c'est vraiment marrant. Ça lui va très bien, en tout cas, je trouve. Ce qui est rigolo, c'est que son maître druide, lui, il n'a pas le même accent. Non. Il a plus un accent un peu, je dirais, juif, des fois, quand il le fait, quand il parle. En plus, on l'entend à peine. Mais c'est vraiment, j'aurais imaginé une phrase là. Yo, vas-y, bolo sur la frime. Hein. C'est un truc comme ça, là, tu vois. Comment il s'appelle déjà son maître? Zurix. Zurix. Ah bah ouais, alors là, tu ne peux pas faire plus suisse. Non, tu ne peux pas faire plus suisse que Zurix. Chocolatix. Rolix. Ouais. On va s'arrêter là, peut-être. Je suis déjà dehors. Ouais, Fédérix aussi. Bref. Moi, écoute, ouais, je suis d'accord avec Sacha pour le méchant. C'est vraiment, moi, pour moi, c'est le meilleur point du film. Ouais. Et d'ailleurs, il soulève une question très intelligente aussi. Ah oui, c'était un des points que je voulais aborder. Il soulève une question que se sont posées Louis Clichy et Astier, à savoir, en vrai, avec une potion pareille, comment ça se fait que tout le village soit pas les maîtres du monde, en fait. Merci. Pourquoi ils ne la partagent pas au reste de la Gaule? C'est le but de ce film, en fait, d'essayer d'expliquer pourquoi on ne partage pas la potion. Parce qu'il existe des tarés comme Sulfurix, c'est qu'en vrai, tu ne peux pas filer la potion à n'importe Exactement. Qui. Exactement. Et puisque surtout, ils n'ont pas vraiment un but de conquête. Leur seul but à eux, c'est qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent picoler et festoyer à peu près toutes les semaines, en fait. Si ce n'est pas tous les jours. Ce film est marrant parce qu'en fait, c'est Uderzo et Goscinny ont fait un postulat de base pour cette bande dessinée qui est très drôle et juste léger. Ils ont une super potion et personne n'arrive à les battre. Et après, des années plus tard, t'as deux autres personnes qui arrivent et qui se disent « Non mais en vrai, ça se tient pas. Est-ce qu'on n'essaierait pas de réfléchir sur le fait que ça se tient pas de manière réaliste alors que c'était pas du tout le but ?» Non mais après, il y a pas mal d'albums aussi au fur et à mesure qui prennent des thèmes un peu plus dark et tout et qui se posent des vraies questions là-dessus. Ah ouais, déjà, le fils d'Astérix, on en parle, mais... C'est là où tu vois qu'en fait, les Romains, s'ils veulent défoncer les Gaulois, ils le font. Hein. Il n'y a aucun problème. Ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Dans la vraie vie, ils l'ont fait. Ouais, voilà. Ça, donc, les irréductibles Gaulois, c'est pareil, si tu veux. Dois-je te rappeler, Alésia? Ils font un blocus. Alésia, on ne connaît pas Alésia. Alésia? Jamais. Alésia? C'est quoi Alésia? Et tu sais, imagine, ils font un blocus autour. Il ne peut pas sortir Panoramix. Il peut pas aller chercher son gui, son roux, son machin. Au bout d'un moment, la potion magique... C'est clair. Hein, bah, t'envoies Obélix. C'est ça, la solution. T'envoies la solution Obélix. C'est pareil, ils arrivent à régler le problème Obélix de plusieurs manières. Dans le film... En le paralysant, là. Dans le film, ils le paralysent. Dans un autre épisode, Obélix fait une overdose de potion magique et il se transforme en granit. C'est pas non plus le plus malin des Gaulois. Oui, c'est vrai. Il a d'autres points faibles. On parlait de la Traviata. Il se sert de ça, justement. Ouais. Dans la Traviata, ils essaient de se débarrasser d'Obélix en envoyant un sosie de Falbala. C'est vrai. Ce n'est qu'un homme. Il succombe au charme. En même temps, oui, les charmes de Falbala qui n'y résisteraient pas. Voilà. Et non, ouais, du coup, c'est vrai que ça soulève une question intéressante. Mais pour moi, ouais, c'est des trucs qui n'ont pas été abordés aussi bien dans les BD, mais qui ils se sont posé la question. Sans donner trop de solutions, parce qu'ils se sont dit, bon, écoutez, vous êtes gentils, on n'a pas à se justifier. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super qu'il soulève cette question. Et c'est vrai, quand il en parle et que Sulfurix énonce cette question dans le film, tu fais, bah ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il ne partage pas la potion, en fait? Et maintenant, on parlerait français dans tout le reste du monde. Voilà. Ouais. Exactement. Et on aura du saucisson et du fromage partout. Oh bah écoute, il y en a un qui a fait ça sans potion, il s'appelait Napoléon. Ah ouais. Ok. Ok. Les deux autres trucs scénaristiques aussi. Moi, j'avais encore deux autres trucs à dire sur le scénario. Bah, au niveau, dis-nous en fait, tout. Des ressorts scénaristiques. Les deux plantes récoltées les plus importantes du film, ce sont le premier, c'est le cairn. Ouais. C'est au tout début, il envoie les sangliers prévenir les autres druides qu'il a besoin d'informations. Je t'explique. C'est parce que voilà. Tu vois ce que c'est un cairn, c'est le tas de cailloux là. Ouais, c'est le tas de cailloux pour tous les druides devant chez équilibre. Eux. Alors, je sais pas d'où ça vient, si ça vient vraiment des trucs de druides. Oui. Okay. Oui, c'est, vraiment, plan c'est vraiment un truc. Il y en a plein en Bretagne. Dans les Pyrénées, il y en a plein, ça sert à retrouver ton chemin quand il y a du brouillard. Ouais, et il y en a plein en Écosse. Voilà. En Écosse, on dit que c'est des trolls. Parce qu'il y a du. Quand en fait, quand tu vois rien, tu vois qu'il y a un cairn, bah, tu sais que t'es sur le bon chemin. C'est tout. Donc, en fait, au tout début, il envoie les sangliers. Obélix fait tomber le cairn et Panoramix fait, recrée le cairn en mon cairn. Remets mon cairn en place. Je veux pas dire, mais ce serait quand même plus solide. Mais en fait, Téléphérix, la façon dont on nous apprend, dont on nous introduit le personnage, c'est qu'on voit qu'il est bon, mais il est un peu présomptueux. Du coup, il est bon sans écouter les préceptes, en fait, anciens de ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, rien. J'essaie de lui mimer ce que c'est que le caillou. Oui, le caillou. Oui, c'est bon, d'accord. Je pense qu'il a compris. Je ne voyais pas où tu voulais en venir avec un cairn, mais oui, le truc avec Téléphérix, il le fait tomber. Voilà, et à la fin, il le fait tomber. Quand il est en train de lui apprendre la potion magique, il fait tomber le cairn, et Panoramix le fait, tu remontes pas le cairn? Et il lui dit, ah ok, il le remonte, et Panoramix fait, bah en fait, je t'ai tout montré. Et en fait, il s'est juste arrêté. Maintenant, là, vraiment? Oui. Bien, magnifique. Et là, Panoramix, il fait, bah, c'est bon, je t'ai donné toute la potion magique. Et en fait, il lui a pas donné toute la potion magique. Ouais. Et le deuxième, c'était c'est la potion de grossissement. C'est quand il fout les druides dans le village à la recherche et tout. Et t'as le gars, il fait, je vous dis qu'il faut faire la potion de grossissement. Et là, on arrive à la fin où, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ils font boire la potion de grossissement. Enfin, Sulfurix boit la potion de grossissement et Sulfurix devient géant. Et là, ça commence à être la merde. Et du coup, Panoramix utilise le sort qu'il a fait connaître, en fait. Et un sort, ça aussi, c'est une belle poésie, qui, en fait, lui, il a réussi à être druide juste par un sort qui est beau, mais qui sert à rien. Et du coup, grâce à ce sort, il va pouvoir, grâce à son tout premier sort, il va réussir à sortir le village de la panade. Il y a aussi une belle leçon du second qui réussit, parce que l'histoire entre Sulfurix et Panoramix, c'est que c'est Sulfurix qui a gagné le grand concours des druides. Donc, imaginons, ils sont à la fin de leur université de druide. Et Sulfurix finit premier parce qu'il fait un sort qui est très utile. Et Panoramix finit second parce qu'il fait un sort qui est certes très beau, mais qui ne sert à rien. C'est vraiment comme ça que c'est dit dans le film. Et du coup, il lui accorde que la deuxième place. Et en fait, il se trouve que Sulfurix a que ce sort qui est certes très utile, mais qui va perdre de son utilité au fur et à mesure. Et il va tomber dans l'oubli, alors que Panoramix va devenir de plus en plus célèbre. Et donc, il y a vraiment ce côté-là de « Ok, j'ai fini second à la fin du concours du truc, mais moi, j'ai continué de bosser derrière et je me suis pas reposé sur mes lauriers. » Et je trouve que c'est aussi une assez belle leçon, mine de rien. Exactement. Et du coup, pour le dernier point d'animation, c'est que quand Sulfurix devient géant à la fin, et là, j'aimerais revenir avec vous là-dessus pour vous poser des questions. Ouais. Moi, je trouve que... Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens la première fois que moi, j'ai vu le storyboard animé, donc tout le film complet, mais juste en dessin, et qu'il y a ce combat à la fin entre le géant de feu et le super mégazord romain, c'est un cheval de Troie en légionnaire. Et je me souviens, on était avec un ami, on est ressorti du visionnage, on s'est regardé en mode, ils vont vraiment faire ça dans le film? Ça n'a aucun sens, ça va être nul. C'est mortel, c'est une des meilleures séquences du film. C'est génial. C'est super avec la musique en plus. Oui, la musique évoque en plus l'ouverture du film avec le village qui va bien. Et en fait, moi, le truc qui m'a dérangé là-dedans, c'est par moment, pas sur tous les plans, mais par moment, Sulfurix, en fait, il faisait pas le poids qu'il a à l'écran. Tu sais, il devient géant. Donc, en fait, en animation, quand on devient vraiment grand ou lourd ou ce genre de truc, genre Godzilla, ça va être un personnage qui va être très lourd, qui va prendre beaucoup de son temps pour se déplacer, pour vraiment montrer que c'est son poids. Alors, en fait. Cela dit, Godzilla n'est pas forcément un bon exemple parce que dans les films récents, ils ont un peu raté certains trucs. Mais dans les films récents, il a été animé, on l'a mis au fond de la scène avec de la fumée, du feu. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a eu des demandes des réalisateurs, je ne veux pas balancer, mais Ouais, c'est pas ouf. Hein. Bref, il y a certains films, il y a certains passages dans le film. Pacific Rim, des gros trucs avec du poids. Voilà, Pacific Rim, des gros excellent trucs. Excellent exemple. Mais le premier Godzilla de 92 80. Non, parce qu'avec Jean Reno, le premier moderne là de des deux. Oui, OK. Ils sont sortis. Oui. Excellent au niveau du poids, le dernier là. J'ai pas vu le dernier. Juste en voyant des extraits, ouais, y a des trucs qui vont pas. Mais donc il y a certains plans où je trouvais qu'ils bougeaient beaucoup trop vite pour la taille qu'ils faisaient, et du coup ça m'a sorti un petit peu, mais c'est parce que c'est mon œil d'animateur qui m'a un peu sorti de ce truc là parce que je trouvais que c'était trop léger quoi. Typiquement comme à la fin de Frozen 2, les géants de pierre, ils sont beaucoup trop légers sur certains plans. Je suis d'accord. Ouais. Alors que des exemples de choses qui sont bien faites avec du poids, on en a, mais je sais pas combien. Il y a donc Pacific Rim, on disait, il y a le géant de fer aussi, qui est très bien animé, on ressent vraiment le poids. Donc ouais, les références, il y en a. Mais c'est pas sur tous les plans, il y en a qui ont vraiment bien géré. Tu vois, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Après, je pense qu'aussi il fallait garder le rythme avec le fait que Panoramix dicte les mouvements et tout. Et fallait pas faire un truc trop lent non plus. Mais après, il y a un contraste entre au début, il est sulfurique, c'est très lent et très très lourd dans ses mouvements parce qu'il est imposant. Et après, il faut casser ça. Donc je pense que l'idée c'était de casser tout son poids et cette lenteur pour faire pour créer de l'humour et donc le ridicule. Ouais, et puis comme ça reste assez cartoon comme style, c'est moins gênant que quelque chose de très réaliste. C'est pas une critique, c'est de la merde. C'est genre, il y a quelques plans qui un petit peu ont dénoté. Je suis un peu d'accord sur ça. Et autre question, quand il se transforme à la fin, Sulfuris, dis-moi qu'il y a eu des références de Doctor Who. Parce que la pose quand il explose, c'est la pose d'un docteur qui se régénère. Les couleurs, c'est les mêmes couleurs. T'as les faisceaux lumineux qui sortent de ses mains, c'est exactement comme Doctor Who. Ouais. J'ai pas pensé, pourtant grand fan de Doctor Who, j'ai pas du tout vu ça, non, mais je vois. Non, il y a un petit bruit de sabre laser quand il boit la potion. Oui, je l'ai entendu. Non, j'avoue que par rapport à ça, je sais pas. J'avais pas fait gaffe, il y a un bruit de sabre laser, sans déconner. La première louche de quand la potion elle devient bizarre, il boit la première louche, t'as ses mains qui deviennent rouges et il y a un bruit de sabre laser. Exactement. Bah, c'est encore un moment où il devient fou juste avant quand il prépare la potion, qu'il fait n'importe quoi. Il est à son paroxysme, juste avant la dernière explosion. C'est des références à Star Wars, il y en a tout le long du film. C'est un grand fan aussi de Star Wars. Mais typiquement, juste la séquence avec les druides. Quand ils arrivent et qu'il arrive dans la forêt des Carnutes au rendez-vous des druides et ils ouvrent le champagne, ils sortent la banderole et Panoramix fait « Non mais les gars, en fait, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Il y a juste un volet radial au montage. » Ah oui, mais c'est vrai. Et ça passe de « Ah !» à la joie, à la déception en une seconde. Ça, c'est un ressort scénaristique et humoristique qui fonctionne très bien. Et c'est les volets radials. Oui, c'est Star Wars. C'est un volet radial. Un volet radial, en fait, donc c'est quand on va avoir... Ah, c'est chiant à expliquer. Un plan sur l'autre et qu'on va balayer l'écran avec l'autre plan. Pensez Windows Movie Maker. Exactement. Alors, tu vas en perdre quelques-uns. Vous avez perdu. Dans Star Wars, qui avait un peu kitsch les, à l'époque. Les transitions un peu kitsch dans Star Wars avec une image qui balaye au-dessus de l'autre. En fait. Voilà. Donc, mais du coup, il y en a d'autres aussi, des transitions Star Wars. Enfin, pas les transitions, mais des références à Star Wars. Ok. Ouais. Que quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Alors, moi, j'aimerais bien aborder un point que vous avez complètement zappé. C'est tout le truc avec toute l'histoire avec Pekin, où c'est quand même. Mais je voulais en parler justement. Ouais, elle est trop trop cool. De plantes à récolter, il est pas mal quand même. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages du film. Je l'adore. Bah, en fait, elle est assez bien écrite parce que elle est justement un peu tout le truc que aussi Sulfurix dit par rapport aux druides qui sont toujours un peu vieux jeu tradition, même si et avec leur petite fiche et tout ça ils en dérogent, mais sans vraiment vouloir accepter en fait toute la nouveauté. Et en fait Pectine, c'est complètement ça, c'est elle va respecter un peu les traditions, mais pour autant pour moi elle c'est la vraie opposition à Sulfurix en fait, plus que Panoramix ou que Téléphérix ou que les vrais héros entre guillemets du film, c'est vraiment Pectine qui est... Et pourtant elle est haute comme trois pommes. Je n'ai pas compris, il y avait une blague. Pectine. Pectine, pomme. Tu sais, la pectine dans la pomme et tout. Pardon. La pectine, c'est dans les noyaux de pomme. Voilà, ah ouais, exactement. Pour faire les compotes, ouais. Je ne savais pas du tout. Voilà. Super, j'ai appris un truc. Putain, c'est génial. Non, et donc, en fait, elle est un peu justement. Parce qu'il parle justement de pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la potion magique à tout le monde, mais aussi de la transmission de savoir. De Panoramix, il faut qu'il trouve un apprenti à qui transmettre le savoir. Et en fait, il a fait tout le tour de la Gaule pour rien, parce qu'en fait, il en avait une sous les yeux, qui respecte toutes les traditions des druides, mais qui arrive à apporter de la nouveauté, en fait. Ce que tu la vois avec sa petite machinée au début, c'est ça, en fait. Elle apporte la nouveauté, Mais en même temps, comment dire, elle arrive à respecter les trucs. Et quand à la fin, elle dit « je veux pas oublier le secret, la recette de la potion magique. Enfin, je veux j'essaie l'oublier. De l'oublier, mais j'y arrive pas. Ouais. Mais j'y arrive pas, ouais. Panoramix lui dit « c'est pas grave, tu vas l'oublier. » Et en fait, quand il dit « ou pas », on sait qu'il va vouloir la prendre en tant qu'apprenti. Oui, oui. Après, le fait que l'univers d'Astérix et tout, il n'y a jamais rien qui bouge, en fait, parce que depuis le temps que les BD existent, en fait, les personnages ne sont pas évolués. Ça n'arrivera jamais en réalité, mais on sait que voilà. S'ils font une décident de faire une suite, une adaptation, ils peuvent très bien faire ouais, mais bouger ça n'arrivera les choses justement. Pas. Mais en fait, le problème pour moi, c'est que Pectin, elle est là depuis le début et Panoramix, il l'a sous les yeux, mais je pense que il se refuse à la prendre parce que c'est une femme, parce que c'est une fille. Au début, oui, parce que tu vois justement quand il rentre dans la forêt des Carnutes. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y pense pas tout simplement parce qu'elle non, est. Non, non, non. Elle est pas lui-même, druide. En fait, il évolue. Au début, oui, c'est genre ça, je veux il pas a son d'enfant, arc aussi pas de femme. Mmh. Je peux pas. Je reste vraiment fixe dans mes traditions parce que t'as les druides qui ont fait leur petite fiche et lui qui est acceptant. En fait, qui était en mode encore genre ultra tradition super stricte et en fait, il évolue au fur et à mesure d'accepter que peut y avoir une évolution. Dans toute la tradition des druides et que justement il envisage de prendre une fille comme comment dire mais ça c'est parce qu'il y a été contraint et forcé quand ils arrivent devant la forêt des Carnutes quand il y a le panneau qui dit est interdit aux femmes évidemment et c'est écrit sur le panneau en fait il décide de faire parce qu'il peut pas rentrer dans la forêt des Carnutes par lui-même parce qu'il a sa jambe cassée et du coup il décide d'avoir Pectin qui le pousse sur son fauteuil roulant. Donc déjà il est contraint de casser une règle, c'est d'emmener une femme qui est en plus une enfant dans la forêt des Carnutes et qui lui demande de se grimer en garçon et de répondre peu le message de elle est complètement con votre règle en fait et c'est pour ça aussi que la forêt des Carnutes crame à la fin, ça fait plaisir tu vois, ça suffit hein, maintenant on fait table rase du passé on avance. D'ailleurs pour entrer dans la forêt des Carnutes j'ai beaucoup aimé la petite référence au chemin de traverse quand il tape avec la serpe d'or que j'avais pas capté du tout avant que tu me le dises Moi, ce que j'adore, c'est que tu t'attends à ce que les sortes de minières s'ouvrent pour t'y rentrer. Et en fait, non, c'est juste une trappe. Mais du coup, tu voulais pas aborder le Pectin et le chaudron. Ah, ouais. En fait, justement, il y a tout aussi le côté où on voit que Pectin, elle est différente aussi des autres enfants. C'est parce qu'elle crée des choses, elle veut les montrer. Elle n'est pas juste là à se battre comme quand tu les vois quand ils ont la classe là, d'école au tout début. C'est qu'en fait, quand elle sort du chaudron et qu'elle s'est réveillée, elle est vraiment en mode genre... j'ai pas le temps, je veux montrer absolument mon truc à Panoramix, donc je pars tout de suite, je pars très vite, et voilà, et en fait, justement, c'est quand on la voit, qu'elle parle pour la première fois, et qu'elle veut tout de suite parler de son invention, ça pose aussi tout de suite elle est dans l'évolution, dans la suite de ce qui pourrait arriver après. Et après, elle commence à se mettre à pleurer parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas dans le village, qu'elle sait pas où elle est, qu'elle est perdue, et t'as les deux gros barbus qui sont en train de s'engueuler devant elle, quoi. Elle est très mignonne et très réussie. Puis elle est vraiment très différente des archétypes classiques qu'on a dans Astérix en fait. Et ça fait un peu de bien. Ça fait un petit vent d'air frais. Très réussie, je mettrais un bémol quand même. Ah ouais. Je trouve qu'elle est elle est assez importante au début, elle est hyper importante à la fin, mais tout le milieu du film. Ouais, tout le milieu, on l'oublie un peu. C'est dommage en fait. Ouais. C'est assez dommage. Mais justement aussi, il y a ce côté, c'est un peu l'affaire du planter récolté, c'est-à-dire qu'elle est importante au début, on l'oublie un peu au milieu pour pouvoir. Lui faire un contraste à la fin, en fait, je pense. Ce qui est dommage, c'est que tout au long du film, tu as le contraste entre Panoramix et Sulfurix, et il y aurait pu y avoir un double contraste entre Téléphérix, qui est censé être l'apprenti parfait qui suit les règles et qui sert à rien à la fin, et Pectin, qui est celle qui révolutionne. C'est vrai tout. Qu'on on te l'amène un peu tard, ce contraste-là. Téléphérix, il suit pas tout à fait les règles, justement, parce qu'il est. Zurix l'engueule parce qu'il fait des trucs, parce qu'il s'entraîne à la pleine lune, alors que normalement les druides n'ont pas le droit, il va changer sa table. Oui, pour s'adapter parce qu'il est gaucher. Voilà. Non, mais ça, c'est quand Sulfurix arrive, parce qu'au début, il suit tellement les règles qu'alors qu'il est gaucher, il dispose sa table comme un droitier. C'est l'apprenti parfait, Téléphérix. Et tu crois qu'il y a une petite frustration d'un des deux scénaristes à ce niveau-là? C'est pas impossible. Hein. Merci, l'Éducation nationale. Mais non, mais déjà, il y a ça. Mais je pense que c'est ça que je disais, c'est qu'il sait qu'il est bon. Mais en fait, il est un peu pédant par rapport aux règles complètement du passé. C'est genre, je suis bon, mais j'en ai rien à faire de savoir qu'il faut pas que je bosse à la pleine lune. J'en ai rien à faire de suivre des trucs qui datent d'avant. Bon, c'est bon, ça fonctionne ce que je fais, je suis bon. Et du coup, il y a un peu un côté pédant de ça, quoi, tu vois. J'avais pas vu comme ça du tout, moi. Okay. J'avais vu les quatre personnages qui sont Pano Sulfu et Pectin Téléphérix en croisé. Panoramix, c'est le vieux qui suit les règles. et qui change rien avec Téléférix qui suit les règles et qui change rien au final, non. Et Pectine qui révolutionne tout et Sulfurix qui révolutionne tout. En fait, Téléférix, il essaye aussi un peu d'évoluer, mais en fait, il respecte pas du tout les règles des druides, vu que justement, il travaille à la pleine lune, il s'en fout un peu du cairn. Alors que, par exemple, Pectine, elle aurait défait le cairn, elle aurait sûrement refait directement. Justement, l'opposition entre Téléférix et Pectine, c'est que ils sont tous les deux, on va dire, un peu tournés vers l'avenir, mais lui, il ne respecte plus du tout la tradition, alors qu'elle, elle respecte encore la tradition. Moi, je le vois plus comme ça, en tout cas. Ouais, moi, je suis d'accord avec... Je pense que le contraste n'est pas assez fort à ce niveau-là, parce que Téléférix, il est un peu partagé entre les deux, entre le côté « je respecte les traditions ». Et en même temps, je m'en fous. Oui, en même temps, je m'en fous un peu, parce qu'il a cette idée de vouloir absolument montrer la potion pour cueillir le gui, alors que l'autre lui dit « non, non, fais mon sort super beau avec les papillons en feu, les là ». Les papillons... on peut citer des marques ou pas? Faut que t'en cites trois. Les papillons de Orange, là, franchement. Quand les papillons, ils explosent... ok, il faut que tu cites deux autres. On dirait Orange, Free et France Télécom. Voilà, la France Télécom, c'est Orange. Oui. Ouais. Bah ouais, Bouygues, voilà. Vous m'épuisez. Ah, désolé, c'est comme ça, c'est les règles. Hein. Se faire taper sur les doigts, après. Ouais. Ok. On va perdre nos royalties. Non, je déconne, on est... On a poil. Pas d'argent. On enregistre dans une cave. Ah, terrible. Et ben écoutez, si c'était tout, on va pouvoir passer à la conclusion. C'est déjà la fin de ce podcast et avant que je vous libère de vos obligations, est-ce que vous avez des recommandations, Ségolène? Ouais, alors moi je voulais parler des chroniques du MEA, c'est une chaîne YouTube qui parle, on va dire, de cinéma, jeux vidéo, séries qui passent à la télé. Bon, en fait, il fait souvent des crossovers par rapport à tout ça, ou genre quand il va parler de l'univers de Tintin, il va parler des films, de la série et des jeux qu'il y a eu. Et c'est super intéressant. Définis ce qu'est un crossover. Non, je déconne. Chiant. Vas-y Robin, c'est quoi ta recommandation? Ma recommandation, c'est un long métrage aussi des studios Micros, mais de Micros Canada cette fois, qui est Captain Underpants, qui est aussi une adaptation... Oui. Je dis pas ça parce que j'ai travaillé dessus avec toi. Moi non plus. D'accord. Mais non, en fait, c'est aussi une adaptation de BD, sauf que c'est une BD qu'on connaît beaucoup moins en France et qui est une BD qui a cartonné aux États-Unis et qui s'appelle Captain Underpants, en français... Captain Super Sleep. Et en fait, la transition et tout le travail qu'il y a graphique est à peu près le même au niveau des séquences 2D, du rendu et tout ça. Et c'est un film qui n'a pas extrêmement fonctionné en France parce que, méconnu, mais que je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment un bon moment. C'est vraiment aussi con que le titre le laisse à penser, hein, mais c'est génial. Voilà. Sacha. Moi, c'est une mini-série japonaise de 6 épisodes qui s'appelle Fuliculi, que j'ai découvert pendant la production de Astérix, recommandée par un collègue, qui est en gros, qui parle d'un enfant qui devient adolescent slash adulte, donc tout ce que ça entraîne. Chaque épisode, c'est un problème, devenir responsable, les histoires amoureuses, le sexe, tout ça, avec des métaphores complètement tirées par les cheveux, puisque en gros, il y a une agent d'une société intergalactique qui se bat contre des extraterrestres sur un Vespa qui se bat avec une basse. Et en gros, chaque épisode se bat contre un monstre énorme qui symbolise un problème. Et en fait, ce qui est très plaisant, c'est qu'en tant qu'animateur, genre qu'on bande ça aux animateurs, parce que chaque épisode, c'est un gros délire d'animateur pour les bastons avec des timings et des spacings et des arcs et des antiques de fou. Et je vous ai lâché plein de mots techniques pour vous perdre. Le gars nous fout dans la merde. Moi, j'ai tout définir. J'ai une question. Qu'est-ce qui vraiment t'a choqué dans ce que tu viens de décrire? Okay. Le Vespa au Japon. Ouais. Oh, le Vespa au Japon. Ouais. Ah, bah, écoute, ça m'intéresse. J'irai recommander. Quant à moi, je vais recommander un truc pas très, très original, mais je crois qu'on n'en a pas encore parlé dans 12 FPS. C'est le... Attends, on a fait 3 épisodes. Hein. C'est pas faux. C'est le bouquin de Richard Williams, Technique d'animation, ou Animator Survival Kit. C'est quoi en anglais. Et ben, c'est un livre qui est un peu la bible et la trousse à outils de tout animateur qui démarre, en fait. La trousse à outils. Robin, je crois que t'es viré. Ah ouais. Non, oui, alors donc si vous commencez l'animation, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez acheter ce bouquin, il doit coûter quoi, 40 euros, ouais, quelque chose comme ça. Avec le CD, ouais. Avec le CD, ouais, ok. Et donc Richard Williams, c'était le directeur d'animation de Roger Rabbit. De quoi? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Fatigue, hein. Et donc, il parle de techniques d'animation en partant des bases vers des trucs un peu plus compliqués. Ça touche la 2D, la 3D, plein de choses. En fait, c'est des techniques assez générales. Pour définir tous les mots techniques que j'ai balancés. Voilà. Donc, moi, ça fait bien suite. De bien vérifier parce qu'il a fait une extension à ce livre. Oui, voilà. Alors, achetez les dernières versions parce qu'il y a des erreurs dans les premières versions. Il y a des erreurs qu'il a corrigées et surtout, il a fait des extensions sur les quadrupèdes et les animaux qu'il n'y avait pas dans dans les premières éditions. Ouais. Et bah, c'est super intéressant. Donc, voilà. C'est ma recommandation. Et avant de se quitter, on va demander à nos deux invités de tirer les deux prochains films qu'on va traiter dans ce podcast. Alors, vous avez chacun un dé. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Ségolène, vas-y. Ségolène fait un 7 et le 7e, c'est Le Roi et l'Oiseau. Oh yes, oh, oui, je suis trop content. Là, ça a saturé, c'est certain. Ça a saturé. Alors là, t'as détruit le compresseur. Là. Tu peux venir ou pas? Ouais, tu peux venir, bien sûr. Allez, et Sacha qui va nous tirer un 9. Et 9, c'est... Oh oui, c'est le Petit Prince. Oh, yes, encore un film micro. Et ça a encore saturé. Ah yes. Bon, mais voilà. Donc, les deux prochains films qu'on traitera seront dans l'ordre. Le Roi et l'Oiseau et le Petit Prince. Non, mais on enregistre avec des micros. Un ramoneur de rien du... Oh là là là là là. Oh là là. Elle était pas mal. Non, mais c'est bien qu'on arrive à la fin. C'est bien qu'on arrive à la fin. Eh ben, merci Sacha, merci Ségolène. Merci à vous aussi. Merci d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. César, t'auras pas d'Oscar. T'as l'air romantique, mais t'as remettre en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre les jeunes.